Et bonjour et bienvenue sur Radio No Culture pour cette deuxième journée de match de championnat National 4 de Roller Derby où ce matin nous allons voir s'affronter les Full Metal Punkettes de Tarbes contre les Sigules, c'est l'entente La Rochelle avec, rappelle-moi Mathine, Sainte, ouais. Et les Sigules qui vont jouer en blanc, je suppose. Et les... Bon, on va voir, on n'a pas encore les couleurs. Ah, ça y est, la musique est de retour. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de commenter ce match avec Alaya. Bonjour. Voilà, Alaya qui est la sœur de notre cher ami Bichente que vous avez souvent sur Radio No Culture. Alors comment ça va, Alaya? Ça va très bien, et toi? Ça va, pas trop stressé, parce que c'est la première fois qu'elle va commenter un match de roller derby et qu'elle découvre la discipline. Non, pas du tout stressé, ben, je vais découvrir en même temps que certains peut-être qui nous écoutent à la radio, donc je suis très contente. Bon, ben, super, puis ça va être l'occasion, n'hésite pas à poser des questions, de rappeler les règles, comment ça fonctionne et tout ça. Et on va débuter ce match, là, les joueuses sont rentrées sur le track. Donc, Alaya, là, comme tu vois, sur le track, il y a deux équipes de 5 qui sont montées qui sont arrivées sur le track. Il y a quatre joueuses qui sont là pour défendre et qui sont de ce côté-là. Et tu as deux joueuses qui sont là pour attaquer et mettre des points. On appelle ça les jammers. Tu les vois, elles ont une étoile sur le casque. Oui, je les vois. Voilà. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est que la jammeuse, elle passe la défense. Voilà, là, la jammeuse blanche vient de passer la défense, tu vois. Et donc, elle prend ce qu'on appelle le lead. La première des deux jammeuses qui passe la défense prend le lead. D'accord ? D'accord, très bien. Et l'autre, ça veut dire qu'elle est passée ou... Et l'autre est passée aussi. Mais En fait, quand la jammeuse prend le lead, elle prend aussi le pouvoir d'arrêter ou pas le jam. On appelle ça un jam, d'accord ? Voilà. Et donc, ils passent une première fois, ils prennent le lead. Et après, ils refont le tour. Il faut qu'elles repassent les joueuses au niveau des hanches, hein. Et pour que ça marque des points, chaque joueuse défenseuse adverse qui dépassait au niveau des hanches, ça fait prendre un point, d'accord. Et comme il y a 4 défenseuses, par jam, normalement, elle peut prendre 4 points. Ok, ça marche, voilà. Très bien. Pour le principe du jeu, le plus simple, hein, d'accord. Voilà. Donc là, elles sont reparties. Voilà, elles sont reparties pour un nouveau jam. Donc les équipes ont changé, elles sont par équipe de 5, ça change à chaque fois. Donc là, la jammeuse des Seagulls est passée, suivie de près par la jammeuse des Full Metal Punkettes. Donc la jammeuse des Sigules en blanc a pris le lead. Et là, on voit en fait comme elle était collée par l'autre jammeuse, à peine arrivée dans le pack de défense, elle a collé. Elle tape aux hanches comme ça, là. Et pour dire stop, j'arrête le jam. D'accord. Et en fait, elle a arrêté pour éviter que l'autre jammeuse prenne des points. Ok. Voilà. Parce que même si elle est derrière et qu'elle n'a pas le lead, l'autre jammeuse, elle peut prendre des points aussi. Elle peut aussi dépasser la jammeuse qui a le lead et prendre des points plus vite qu'elle et tout ça. Donc, il faut que tout ça se calcule et. C'est de la stratégie. Donc du coup, ça, tu vas entendre que ça cause beaucoup sur le track. Là, par exemple, on a le monsieur qu'on a à côté, c'est ce qu'on appelle un bench mirror. C'est miroir du banc. En fait, c'est pour pouvoir communiquer les consignes du coach qui est à l'opposé du track aux joueuses, puisqu'elles puissent entendre de partout. Donc là, on a vu les Seagulls la jammeuse Seagull qui a pris le lead. Voilà, elle est là, elle est dans le tas. La jammeuse des Full Metal Punkettes est loin. Et là, tu vois, elle vient passer le bloc de 4. Donc, elle a collé et elle prend 4 points. Donc là, on a 5-0 pour les Seagulls. Ok. Voilà, c'est ça. Alors, tu posais la question avant qu'on prenne l'antenne des arbitres, qu'est-ce qu'il y avait ? Parce que tu es aussi arbitre, toi, mais oui, de rugby. Pas dans la même discipline. Voilà. Mais... Combien d'arbitres vous êtes sur un match de rugby ? Ben moi, dans ma catégorie, on est tout seul, mais sinon, il y a 3 arbitres. Un arbitre de champ et 2 arbitres assistants. Voilà, là, ils sont au moins, je crois qu'on a dit 13. 13 arbitres. Alors, il faut savoir, je vais essayer de te le montrer, qu'il y a un arbitre par jammeuse. D'accord ? Pour les suivre, tu vas voir que dès qu'il y a une jammeuse qui va passer, qui va prendre le lead. Alors là, il y a la jammeuse des Sigules qui vient de se faire sortir en prison parce qu'elle a dû faire une faute de main qu'on n'a pas vue. Et d'accord. Là, on voit la jammeuse des Full Metal Punkettes qui a pris le lead du coup, et tu vois, il y a une arbitre qui la suit au milieu là, qui lève la main et qui la monte du doigt. Et elle a un bandana vert autour du poignet pour montrer la couleur justement de la jammeuse qu'elle suit. D'accord, très bien. Voilà. Et donc là, elles viennent de repasser. Voilà, et là, tu vois que l'arbitre lève la main en montrant des doigts, c'est le nombre de points qu'elle a mis. 4. Voilà. Voilà, et c'est comme ça. Et du coup, l'autre arbitre, il est arrêté là, tu le vois, il a un bras devant, un bras derrière, juste devant nous là. Et en fait, il est en train de surveiller la jammeuse qui était partie en prison. Parce que d'accord. C'est lui qui est responsable de la jammeuse des blanches. Donc, okay. T'as un arbitre par jammeuse. Okay. T'as un arbitre par, par groupe de défenseurs, de bloqueuses. Voilà. D'accord. Et après, t'as les arbitres de. Comment ça s'appelle de limite de track. D'accord. Intérieur et extérieur, voir s'il y a des passes. Si, parce que quand tu. On va le rappeler à nos auditeurs. Le track délimité à l'intérieur et à l'extérieur par une cordelette pour qu'elle puisse le sentir au niveau des rollers. D'accord. Okay. Voilà. Qui est recouvert après d'un. Comment ça s'appelle d'un scotch orange, voilà, pour que la cordelette ne bouge pas. D'ailleurs, il y a des monkey tracks, ce sont des gens qui sont là exprès pour intervenir sur le terrain et remettre du scotch sur la cordelette pour pas que ça, la cordelette s'accroche dans les roues des joueuses. Et voilà, et après, t'as les arbitres là-bas au tableau des scores, t'as les arbitres au banc de la prison. C'est 30 secondes de prison pour les joueuses qui partent en prison. Voilà, et après, je crois que j'ai fait à peu près le tour des arbitres, ça fait déjà un paquet. Et il ne faut pas, enfin, il ne faut pas dépasser la cordelette, du coup, avec un pied, deux pieds ? Un pied. Un pied, c'est voilà. Ok. Un pied, ça suffit. D'accord. Et autant extérieur qu'extérieur. Ok. Donc, il y a les arbitres qui surveillent ça, qui les rappellent à l'ordre. Là, la jammeuse donc, des Sigules vient de prendre le lead. On voit l'arbitre qui la monte du doigt. Quand il la monte du doigt, c'est que ça veut dire que c'est elle qui a le lead, d'accord ? Ok. La jammeuse des Full Metal Punkhead vient de partir en prison. Donc là, on appelle ça un power jam. Ça veut dire que la jammeuse des Sigules est seule sur le track. Donc du coup, elle peut marquer un max de points et ses bloqueuses. Au lieu de travailler pour bloquer la jammeuse adverse, vont travailler pour l'aider à passer leur pauvre jammeuse. Et donc là, on a les deux jammeuses en prison. Voilà, alors dès que la deuxième jammeuse part en prison, la première ressort aussi sec. Parce qu'il faut toujours une jammeuse sur le track. D'accord. Donc là, on voit la jammeuse des Full Metal Punkhead qui revient sur le track. Et voilà, on voit que ces bloqueuses sont mises en position pour l'aider à travailler. Alors voilà, tu vois, regarde la technique. Hop, elles font le petit train et elle va se caler derrière. Elles font un mur pour le permettre de passer. Voilà. Et là, elles passent. Mais alors là, comme il y a eu les deux jammeuses en prison, il n'y a plus personne qui a le lead, d'accord ? Il faudra aller jusqu'à la fin du temps du jam. Okay. Un jam dure 1 minute 30. Et donc ça peut être long et puis éprouvant pour les physiques, parce que mine de rien, ça patine, c'est beaucoup sur les appuis, c'est beaucoup en contact. Je ne sais pas si tu l'as remarqué quand ça va à la rencontre des bloqueuses adverses, parce qu'il faut arriver à les passer, il faut trouver des failles. Exactement. Voilà. Alors les bloqueuses se mettent souvent, on va peut-être avoir l'exemple, en tripode, c'est-à-dire elles s'attrapent à 3 par les bras pour faire un bloc à 3 pour empêcher la jammeuse de passer. Et le but de la jammeuse, c'est d'arriver à passer ce bloc, soit en cassant les liaisons des bras, soit en les contournant. Mais bon, ça fait du monde, ça fait quand même 10 joueuses sur un track qui n'est pas super ouais, large. C'est ça. Et voilà. Elles ne peuvent pas s'éparpiller les... Non. Alors pareil, la défense, le bloc de défense, en fait, a le droit de s'étirer sur 6 mètres maximum. D'accord. Au-delà de ça, la dernière défenseuse ne peut pas aller plus loin et elle est obligée de laisser passer la jammeuse. Ok, ça marche. Voilà. Et le pack doit se resserrer un peu. Donc, voilà. Donc là, on a c'est eu un jam. C'est serré. Ouais, on a eu... on va voir on va attendre le score final de ce jam parce qu'on est jam 12 à 12. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préparer le classement, mais les Full Metal Punkhead sont plutôt bas du tableau, et les Seagulls sont plutôt au milieu de tableau sur toutes les équipes. Donc on pourrait s'attendre à un match plutôt, à l'avantage des Seagulls. Ouais. Mais maintenant je vais me taire, parce que hier on a eu des belles surprises. C'est le dernier week-end de championnat pour l'année, là, et pour le classement. Donc je pense que les équipes vont tout donner et justement vont défier les pronostics. Donc je préfère plus rien dire. Donc là, la jammeuse des Seagulls a pris le lead. Voilà, elle est suivie de près, on le voit, par la jammeuse des Full Metal Punkhead. Et on voit, elle colle. Voilà. Elle a pris au moins un point. Tu vois, elle a passé une joueuse verte. Mais elle a préféré arrêter l'hémorragie avant que l'autre jammeuse puisse arrive. Puisse passer également et prendre des points. Ouais, voilà. Exactement. C'est ça. Ok. Parce que ça peut, tu verras, alors soit ça peut être des jams qui vont prendre 1, 2, 4 points et vite arrêter. D'ailleurs, quand on prend 4 points, ça, on appelle ça un boom track, c'est-à-dire elles arrivent, elles prennent les 4 points, elles arrêtent avant que l'autre jameuse arrive. Mais on peut avoir aussi des jams ou power jams où ça monte. On l'a eu hier l'exemple avec les Valiant Beaches, l'équipe haute là, de ce week-end championnat. Une jameuse qui a fait un jam de 24 points. Voilà. Ah oui, ouais, voilà. Donc voilà. Ok. Alors c'est là, c'est rare, mais ça arrive, ça peut arriver. Alors c'est la jammeuse des Full Metal Punkhead qui a pris le lead et elle colle, voilà, elle a collé avant que la jammeuse de Sainte rejoignent le pack. Alors hier Mathilde me faisait remarquer ça et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe et du coup j'ai fait plus attention. En fait quand la jammeuse qui a le lead call, donc fait ce signe au niveau des hanches, on entend l'arbitre siffler qui fait tut tut tut tut tut tut. Et en fait selon les arbitres, ils arrêtent le comptage des points au premier sifflement, au premier coup de sifflet, okay. Des trois là, et d'autres au troisième. D'accord. Sauf que ça dure quoi, 3 secondes le temps de siffler. Et en 3 secondes, une joueuse a le temps de passer une, exactement, deux, trois bloqueuses adverses. Donc c'est vraiment selon l'arbitre. Ok, il n'y a pas de règle spécifique à ça. Et alors, on ne sait pas trop. On n'est pas allé consulter les 87 pages du règlement pour vérifier ça. Ouais. Je t'avoue que hier soir, moi je suis rentré, j'étais gelé et claqué, donc je ne suis pas allé chercher. Mais. Mais peut-être voilà, aller demander aux arbitres directement. Ouais, non, mais on a posé la question justement aux arbitres, ouais, et ils ont dit ouais, c'est selon les arbitres, l'affinité de chacun qui compte ou pas en fonction du start du sifflet ou de la fin du sifflet. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc là, on est en grosse bataille entre les deux équipes. Alors, c'est la jammeuse des Full Metal Punket qui a le lead. Pourquoi elle a le lead ? Comment t'arrives à voir qu'elle a le lead ? Car je vois que ça clignote au niveau de... C'est ça, non ? Voilà, sur le tableau, ça clignote, mais aussi si tu regardes son arbitre... Ah oui, exactement. Elle la montre du doigt, donc voilà. Les deux arbitres, tu les vois, ils ont blanc au poignet ou vert au poignet, tu vois, ouais. Ils sont là, voilà. Et donc c'est ces arbitres-là qu'il faut suivre pour les jammeuses. Ok. Et quand un des deux montre du doigt la jammeuse qu'il suit, ça veut dire que c'est elle qui a le lead. Voilà, donc et le premier franchissement, on est d'accord, n'engendre pas de points. Voilà. C'est juste pour prendre le lead ou et ensuite pas. Au deuxième tour, voilà. Ça leur permet de pouvoir récupérer des points. D'accord. C'est ça, tout à fait. Alors, on va peut-être le voir, on l'a pas vu encore. Il y a aussi une tactique. Je sais pas si tu vois dans les bloqueuses, certaines ont comment ça s'appelle un bonnet sur le casque avec une ligne. Une petite bande. Ah non. Ouais, une bande. Là, par ouais. Alors là, la jammeuse des Full Metal Punket a pris le lead et suivi d'assez près par la jammeuse des Sigul. Et donc là, elles n'ont pas fait ce que je voulais t'expliquer. Voilà, tu vois, elle est arrivée dans le tas, elle a collé aussi sec, elle a pris 2 points. Voilà, 2-3 points. Voilà, l'arrêter. Donc tu vois, elles ont des bandes. Il y a une joueuse de chaque équipe dans les bloqueuses qui ont une bande comme ça sur le casque. On les appelle les pivots. D'accord ? D'accord. Et ces pivots, avec la jammeuse, ont le droit de faire une technique qui s'appelle le star pass. C'est-à-dire que quand la jammeuse a du mal à passer le bloc, okay, elle enlève son bonnet et elle peut le passer à la pivot qui, elle, est plus derrière les joueuses qui bloquent. Et comme ça, ça leur permet de passer des joueuses et de vite ressortir du pack pour prendre le lead. Enfin, le lead en général, elles le font pas. Ils le font en général quand c'est l'autre qui a pris le lead pour vite sortir et éviter l'hémorragie. D'accord. Et des fois, il y a des fins de star pass. C'est-à-dire qu'elle s'enlève le bonnet pour faire essayer le star pass ou pour faire steal. Mais finalement, non, elle passe le bloc et elles repartent avec leur étoile à la main. Et il n'y a pas, d'accord, eu le star pass. Voilà. C'est dans la stratégie alors. Voilà, c'est ça. Alors okay, là, c'est la jammeuse des Sigul qui a le lead, qui est dans le tas là. Voilà. Elle vient de passer les 4, elle prend 4 points. Et là, la jammeuse, voilà, elle colle parce que la jammeuse des Full Metal Punket avait fini de faire son tour et était revenue dans le pack. D'accord. Voilà. Alors là, on va faire un petit rappel du score. Est-ce que tu peux nous dire combien on en est, s'il te plaît ? Il y a 33 à 23. Et sinon, pour la partie de maintenant, il y a 2 pour les Full Metal Punket et 4 pour les Seagulls. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. Ok, voilà, pardon. Voilà. Donc là, pour l'instant, les Full Metal Punket mènent avec 10 petits points d'avance. C'est pas énorme, 10 points, ça se récupère en un jam, hein, vraiment, ça peut aller très vite. Donc là, on est parti pour un nouveau jam. Donc là, bon, on voit que ça bataille ferme et ça passe pour la jammeuse des Sigul qui prend le lead. Alors, jammeuse qui s'appelle Bobsleg. On essaie de dire les pseudos des joueurs aussi. Voilà, voilà. Et là, on a Eva Papassé qui est passée pour le Full Metal Punket. Et la jammeuse des Sigul est déjà de retour dans le pack. Elle essaye de passer, mais voilà, elle colle, okay, parce qu'elle a vu la jammeuse de Full Metal Punket de Tarbes qui revenait. Donc okay, elle a peut-être pris quoi ? Voilà, elle a pris un point, mais elle a évité la jammeuse adverse, tu as vu, de prendre des points supplémentaires. Ça, c'est important. Oui, alors, et selon, on l'a vu hier, parce qu'il y a eu 5 matchs hier, donc on a vu toutes les équipes passer, voire même certaines jouer 2 fois. Et il y a vraiment, selon les équipes, des stratégies différentes, des façons de jouer différentes. Et c'est très très intéressant à voir. Là, pour l'instant, on est sur un match plutôt qui est serré, qui est oula, voilà, il y a des chutes comme ça aussi, ça a bien bousculé. La jameuse des Sigul a pris le lead, suivi de très très près par la jameuse de Tarbes. Donc ça sent le boom track, voilà, même pas. Elle va même pas chercher à retourner dans le pack, elle arrête direct. Elle était trop suivie. Ah, de ça, trop je savais pas que c'était possible. Ouais, elle peut l'arrêter quand elle veut. Quand elle veut. Ah, quand elle veut, même voilà. Pas... Voilà, okay. Elle arrête quand elle veut. Je pensais qu'il fallait obligatoirement au moins prendre un point pour pouvoir arrêter. Mais... Non, elle arrête quand elle veut, voilà. Ok, ça marche. C'est, voilà, c'est juste le super pouvoir que tu récupères quand tu prends le lead, c'est que tu peux arrêter le jam quand tu veux, voilà. Et là, elle avait vraiment dans les talons là, l'autre jameuse, donc essayer d'aller chercher un point, ça veut dire que l'autre potentiellement peut en prendre un aussi. Donc autant l'arrêter à 0-0 plutôt que 1-1, parce que bon... Exactement. Voilà. Parce que faut savoir que les points après, la différence de points compte au goal average pour le classement. Donc il faut voir ça aussi. Il faut penser goal average pour le classement. Ok, voilà. Ok. La jameuse des Seagulls prend le lead dans ce nouveau jam. Ok. La jameuse là des Full Metal. Full Metal. Elle vient de passer. Elle vient de passer. Ok. Et en force. Hein. Ça joue donc des coups. Alors coéquipe. Ah, et elle vient de repasser là. Ouais, elle vient de repasser, c'est ça, elle prend 4 points. Il faut savoir qu'elles n'ont pas le droit de se servir de leurs mains, hein, enfin, elles peuvent pas pousser comme ça. C'est tout. C'est ce que j'ai pu comprendre et, oui, tout à l'heure. Je sais plus si c'est, elles ont le droit de servir jusqu'au coude ou ouais, c'est juste épaules. Hein. Les bras, ils n'ont pas le droit de s'en servir. C'est juste le tronc, les épaules et tout ça. Ouais, évidemment, les hanches, quoi. Tu verras des fois des petits coups de cul pour faire sortir la jameuse du track, ce qu'on appelle d'ailleurs un recyclage quand la jameuse se fait sortir du track, parce que du coup, elle doit repartir derrière la. La jameuse qu'elle n'a pas passé, donc souvent d'accord. Elle revient en arrière. Okay. Voilà, et là on vient de démarrer un nouveau jam. La jameuse des Sigul est passée comme une lettre à la poste très facilement. Elle a pris le lead alors que la jameuse de Tarbes vient Full de se faire recycler. Ouais. Voilà. Elle a plus de mal à passer, c'est ça, elle a du mal à passer. Et voilà, hop, tu vois, elle se fait sortir recycler, donc elle doit repartir derrière. Et la jameuse des Sigul vient de prendre 4 points. Donc, va-t-elle arrêter ou non, là, pour l'instant, je pense qu'elle pour l'instant c'est tout à son intérêt tant que l'autre n'est pas passé de exactement. Continuer parce que voilà, ça y est, elle est passée, donc là tu vois, elle vient de mettre 8 points. Je pense qu'elle va attendre, comme elle est suivie de près, voilà, elle a arrêté là. Elle a arrêté direct. Et, okay. Mais tant que l'autre n'est pas passé, c'est tout dans son intérêt de continuer parce qu'elle n'a pas de menace. Ouais, l'autre ne peut pas mettre 2 points. Okay. Voilà. Parce que les deux doivent passer une première fois le pack pour pouvoir prendre des points. Donc tant que. L'une des deux n'est pas passée, l'autre qui a pris le lead. Elle et peut là, continuer c'était pas tout à son avantage de continuer justement, même si elle était suivie de près et par non, parce l'autre que là, jameuse. Elle venait de passer l'autre jameuse, donc du coup, si elles arrivaient dans le pack, elles pouvaient prendre des points tous les deux. Alors oui, elles pouvaient peut-être oui, prendre 2-3 points avait... de plus, mais elle sait pas. Tu peux pas vraiment. On a eu la surprise des fois, elles sont arrivées l'une derrière l'autre et en fait, la leader s'est fait bloquer direct alors que l'autre est passée et a pris 4 okay. points et la jameuse qui avait le lead en prend qu'un. Donc, ok. Alors après, comme je te disais. J'aurais eu tendance à me dire que comme elle avait eu du mal à passer, peut-être que les autres fois aussi, elle aurait eu du mal à passer. Donc, ouais, mais tu sais non, pas, parce que pas. Là, okay. t'as de l'élan aussi. Quand elles arrivent avec de l'élan aussi. Donc, elles ont un peu plus de force d'impact. Elles peuvent plus facilement bouger, faire des tic-tac pour aller à droite-gauche. Alors que quand on démarre un jam, elles ont très peu d'élan. Et donc ça joue. Oui, et après, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça dépend et... des stratégies des équipes aussi. Il ouais. Y a des équipes qui vraiment évitent au maximum toute possibilité de faire prendre des points à l'adversaire. Il y en a d'autres, non, qui tentent le coup. On l'a vu même il y a un mois et demi, là, quand on était à Mérignac. C'est les Sambé, ouais, les Sambé. Le coach disait de continuer à tourner alors que l'autre jameuse était passé et prenait des points aussi et disait continuer à tourner. Bon, on a eu l'explication hier aussi, c'est que quand il y a des joueuses en prison, des fois leur disent du coup les coachs disent aux jameuses de continuer à tourner pour que les jameuses puissent sortir de prison et démarrer le jam suivant avec toutes les joueuses sur ah, le track. Oui. Ah oui. Parce oui, que oui. s'il y a une, par exemple, je veux dire, s'il y a une pivot, enfin une bloqueuse sur le en prison. Et qu'elle démarre un nouveau jam, en fait, du coup, ça fait une bloqueuse en moins sur le terrain pour d'accord, le début du jam suivant. Le... Voilà. Okay. Donc, des fois, elles font tourner, suivant. Quitte à prendre à donner des points, à laisser des points, elles font tourner pour pouvoir récupérer la totalité de leurs joueuses sur le jam suivant. Ok, bon, c'est pas bête voilà. non plus. Oui, hein. oui, voilà. Oui, oui, oui, ça dépend de la stratégie qu'on met en place. Et... Voilà, c'est ça. Il y a de la stratégie, il y a plein de choses à voir. Il y a aussi, il faut penser au physique des joueuses, à la récup et tout ça. Donc, parce que c'est quand même deux fois 30 minutes et ouais. D'une sacrée intensité. Je ne sais pas si tu remarques. Oui, ça, oui, oui. C'est très, très intense. Ça bagarre quand c'est même pas mal. C'est court, hein. mais... Ouais. Allez, c'est parti pour un nouveau jam. C'est intense. Ouais, c'est des jams de 2 minutes. J'ai dit 1 minute 30 tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. C'est des jams de 2 minutes. Donc voilà, alors là, ça bataille bien, hein, ça défend bien, on le voit. On voit les, ça y est, la jammeuse des Full Metal Punket a pris le lead, a fini par passer, voilà. Et c'est Machatari. Oui, on dit des pseudos aussi parce qu'ils ont des pseudos qui sont beaucoup de jeux de mots. Ah, c'est le principe et assez drôle. Donc là, on voit que la jammeuse des Sigul a fini par passer et elle est retournée rejoindre le pack. Donc la jammeuse de Full Metal Punket a collé, a pris quand même 3 points et a évité aux Sigul de prendre un point. Donc c'était un jam. Voilà, c'est le genre de jam qu'on a régulièrement. Hein, c'est souvent comme ça. Comme je te disais tout à l'heure, c'est rare où on a des gros jams où ça prend beaucoup de points, mais ça arrive. Et ça arrive souvent sur des power jams quand il y a une des deux jammeuses qui est en prison. Du coup, l'autre est en power jam et c'est oui, là. Oui, c'est ça. Et elle en profite d'être toute seule pour engendrer le maximum. C'est ça. De et en plus, elle a ses coéquipières qui sont plus là pour bloquer l'autre jammeuse, mais pour l'aider pour à l'aider passer. À elle. Exactement. Donc là, c'est. Ah ben les deux jammeuses sont passées. L'une après l'autre. Si... C'est Full Metal Punket qui a le lead. Ok. Voilà. Bon, allez, celui-là, c'est prêt. Je pense qu'elle va arriver dans le tas. Elle va en passer nous deux et Cole. Voilà, c'est ça. Tu vois, elle a fait un boom track. Ouais. Et à peine arrivée dans le pack, elle a collé après avoir passé quelques joueuses. Donc je crois qu'elle prend 2-3 points. Ah, alors. Je vois les arbitres de jam là qui comptent 0 points. C'est très bizarre parce que moi, j'en ai vu passer au moins 2. Moi aussi. Donc je sais pas, mais ça discute. On verra si tu verras de temps en temps des temps morts, alors soit demandés par les coachs. D'accord. Pour discuter, revoir un point qu'il y a eu pendant le jam ou quoi que ce soit. Ou alors aussi il va y avoir des temps morts des arbitres pour se mettre d'accord sur un truc. Voilà. Bon, là on est parti pour un nouveau jam, tout le monde s'est réinstallé. Donc pour le rappel, les Full Metal Punket et les Seagulls sont égalité 36 partout. Donc c'est un match très très serré depuis le début. Voilà. Bon, on a vu un match comme ça un peu serré hier, un grand coup de 11 ou quoi, et qui s'est terminé par une petite défaite des Valiants de quoi, de 5 points. C'était 7 points. Voilà, donc c'était bien dommage, mais elles ont très très bien joué hier. Les Valiants, elles peuvent être fiers d'elles. Alors la jammeuse des Sigul a pris le lead et elle a collé à peine arrivée parce qu'elle a été suivie de très près par la jammeuse des Full Metal Punket. Donc depuis le début de ce match, on n'a pas beaucoup de chance parce que c'est beaucoup de jams comme ça, très courts, oui. Où les deux jammeuses arrivent à sortir du premier pack très rapidement et sont souvent obligées d'arrêter assez rapidement. C'est ça, ouais, elles sont dans les talons l'une de l'autre, donc du coup, c'est des jams très courts qui sont vite arrêtés pour éviter de prendre des points ou donner des points. C'est voilà. Alors là on s'est réinstallé pour un nouveau jam. On voit les arbitres qui sont un peu réunis au milieu, qui rediscutent de quelques trucs. Ouais, voilà. Alors apparemment une histoire de points peut-être, parce que moi l'arbitre de la jammeuse des Sigul qui est allé à la table des scores. Voilà. Donc non, apparemment on pensait qu'il y avait un point mis, mais finalement il a été retiré sur le jam qui vient de se terminer. Donc on est toujours à 36-36, donc voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de spectacle. Oui, moi aussi. Ouais, voilà, parce que hier les deux premiers matchs c'était comme ça, très serré, peu de spectacle, des petites jams, voilà, c'était, je vais pas dire ennuyeux, mais bon. Et là les deux matchs d'après, alors là ça a été festival. On a eu des jams de folie, des actions de folie, Ah, et ça nous a réveillé avec Matine d'un coup là, et ça nous a remis en cagne pour le dernier match qui a aussi été génial dans le spectacle. Alors là on a la jammeuse des Seagulls qui est passée, qui a pris, voilà, le lead, qui a pris le lead, mais maintenant qui va être suivie par celle des Full Metal Punket. Alors là, ça a été sifflé, voilà, 3 points pour les Seagulls, voilà. Ah mais les Seagulls c'était déjà passé, il y avait le lead, ouais, d'accord, il me semblait bien. Oui, c'est ça. Et parce que là, quand la jammeuse prend le lead, son arbitre la monte du doigt. Et l'autre jammeuse qui passe, en fait, son arbitre fait ça avec les mains. En fait, il fait un signe où il croise les mains l'une sur l'autre. D'accord. Et pour dire que voilà, que c'est son premier tour. Je viens de le revoir et de m'en rappeler. J'ai dit, okay. 87 pages de règles. Il y a beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'il y a plein de trucs que je rate. Pareil, des fautes, des fois, j'arrive pas à le voir parce que c'est. Bon, déjà, il y a tellement de monde, c'est compliqué. Donc là, tu vois, il monte du doigt parce qu'elle a pris le lead, la jammeuse des Sigul. Et là, tu vois l'arbitre de la jammeuse des Full Metal Punket qui fait ce signe des mains, là. Donc une espèce de croisement des mains. Voilà. Donc là, 0 points pour les deux équipes. Ouais, 0-0, voilà. Pas de risque. Ah non, non, non, ouais, c'est pas de risque, mais là, il va falloir se réveiller un peu. Ah, alors non, il y a eu un petit, suite tout à l'heure à l'arbitre de, qui est allé voir la table, il y a eu un petit changement de score, on est passé à 39 pour les Seagulls, pour 36 pour les Fundamental Punkettes, donc 3 points d'écart. T'as eu 3 points, c'est rien, hein, c'est pas, oui, ça peut être pris en jam, juste en un tour, donc c'est très très serré. Alors, est-ce qu'elles sont pas super bien réveillées ? Est-ce que c'est le stress des examens ? Parce que c'est quand même, tu sais, le, comme je disais tout à l'heure, le dernier week-end du championnat. Donc, elles veulent assurer. Je sais pas, mais là, on aimerait un peu plus de spectacle, s'il vous plaît. Allez, donc, la jammeuse des Full Metal Punkettes a pris le lead sur ce jam. Voilà. Oh là, et là, tu vois. Voilà, joli. Alors, elles ont le droit de faire ça. À partir du moment où elles ne touchent pas le patin en dehors du terrain, elles ont le droit de sauter. D'accord, oh, sauter, c'est impressionnant. La ligne de touche. Du coup, souvent, tu les verras faire un saut à dans la boucle intérieure. D'accord. Et ça leur permet de gagner du terrain en évitant les joueuses adverses. Bon, elle peut quand même prendre un coup de cul au passage. C'est ça. C'est autorisé. C'est ça. Voilà, mais elle a le droit de faire ça. Bon, là, on a vu, elle a sauté, elle a atterri, elle a collé aussi sec parce qu'elle a vu la jammeuse adverse arriver dans le pack. Et elle a quand même pris 3 points, 3-0. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est, jusqu'à présent, ok, c'est super propre, mais il n'y a pas beaucoup de prise de risque, voire même absolument pas prise de risque. Hein. On assure le minimum syndical et ça suffit. Alors voilà, la jammeuse des Seagulls prend le lead. Et là, on voit la jammeuse des Full Metal Punkettes qui s'est fait recycler, qui a du mal à passer. Et je dis ça et elle passe, elle évidemment. Elle vient de passer. Voilà, bon, elle a un track de retard. Sur la jammeuse des Seagulls, la jammeuse des Seagulls qui passe, qui met 4 points et voilà, qui colle. Et qui s'arrête. Donc elle a fait un boom track. Voilà, ça c'est un boom track dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'elle fait son tour, elle prend les 4 points, elle colle avant que l'autre arrive, comme ça c'est 4-0, boom track. Voilà. Ok. Oui, il y a quelques termes. Pareil, quand on va démarrer, c'est toujours pas arrivé, mais si on démarre un jam avec une seule des jammeuses sur le track et l'autre en prison, on appelle ça un power start. D'accord. Parce qu'elle va faire un power jam vu qu'elle est toute seule. Donc un power start. Voilà. Donc là, on est reparti pour un nouveau jam. Il reste 8 minutes de jeu dans cette première période. Le score est de 43 pour les Seagulls, à 39 pour les Full Metal Punkettes. Et qui c'est qui a pris le lead, Laïa ? Là, c'est les Full Metal Punkettes qui ont pris le lead. Bien joué. Et où est la jammeuse des Seagulls ? Par terre. Elle vient de chuter. Voilà. T'arrives à la voir ? Parce que des fois, ouais, on a... Elle est voilà, elle est en train de batailler. Ah, juste là. Entre le reflet dans la vitre et les gens qui nous gâchent la vue un peu. Voilà, elle vient enfin de passer. Et la James est passée où des Full Metal Punkettes ? Apparemment, elle est en prison. Elle est en prison, oui. Elle est en prison avec deux autres de ses joueuses. Donc, ils sont trois en prison. Ce qui permet... Vas-y, je t'en prie, dis. Ce qui permet à la leaders des Seagulls de passer. Alors là, c'est la James des Seagulls. Elle n'a pas le lead. Parce que c'était la jammeuse de là, et plus personne n'a le lead d'ailleurs. Vu que dès qu'il y a une jammeuse qui part en prison, il n'y a plus de lead. C'est mais ça. Du coup, ça permet à la jammeuse des Seagulls ouais, de faire un power jam, vu qu'elle est toute seule. Exactement. Et d'engranger les points. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, ça fait un 8-0 pour l'instant. Exactement. Voilà. Est-ce que Hello De Vie va arriver à trouver une faille pour passer et prendre ses 4 premiers points ? C'est fait. Elle est passée. Voilà. Et là, la jammeuse des Seagulls est de retour dans le pack. Je pense qu'elle va essayer d'en passer un max et coller. On va lui dire sûrement de coller. Ouais, elle passe, ça y est, elle est passée. Il faut qu'elle arrête là parce que. Je sais pas. Mais elle oui, personne peut arrêter, c'est vrai, pardon. On va jusqu'à la fin du temps. Donc ça fait 12 à 8 là pour l'instant. Et là, tu vois, on voit la. On voit qu'elle commence à fatiguer. Voilà, un petit c'est peu. Ça, ouais. Mais en même temps, regarde, il faut passer. Hop, ah, oh, et l'eau de vie est passée comme. Des Full Metal Punkettes qui est passée. Une lettre à la poste. Donc ça fait 12 partout. Et la jammeuse des Seagulls, là, était bien coincée. Ça y est, reprend 4 points de plus. Mais et l'eau de vie arrive très vite avec beaucoup de panache. Et hop, et du coup. Elle a esquivé. Elle colle au score de. Voilà, ça sera un jam à 16 partout. Donc là, on a vu un peu plus de, peu plus de rythme, un peu plus de points aussi. Voilà, mais t'as vu, dès qu'il y a une jammeuse sur le banc, du coup, ça ouvre les portes. Par contre, c'est un jam nul parce que 16 points partout, ça veut dire oui, à 0-0. Voilà, c'est ça. Et on reste toujours à 4 points d'écart au score total. Mais bon, voilà, t'as vu, il y avait un peu plus d'animation, c'était un peu plus intéressant. Exactement. Voilà, donc là, on commence, il n'y a plus personne sur le banc de la prison. Donc on va commencer avec des équipes complètes pour ce nouveau jam. Alors, est-ce qu'ils ont finalisé le score ? 59 pour les Seagulls, 55 pour les Full Metal Punkettes. Avec 4 points d'écart, c'est un jam quoi. Un boom, un boom track et puis c'est réglé. Et il reste 5 minutes 41 de jeu. Est-ce que ça va, Laïa ? T'es pas trop perdu ? Non, ça va, ça va. Honnêtement, au début, un petit peu, mais là, ça va. Je commence un petit peu à comprendre quelques règles. Ouais, ouais. Le peu de règles que tu m'as expliqué, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais, oui, oui. Mais non, ça va. J'essaie de te donner l'essentiel pour arriver à suivre, au moins. Voilà. Voilà. Et après, pour pouvoir du coup intervenir un peu. Bon, n'hésite pas à poser des questions si tu as des choses que tu ne saisis pas. Hein. Oui. Je te répondrai dans la mesure du possible aussi, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas tout. Malgré que ça fait... C'est la deuxième année que je suis les matchs de roller derby avec notre ami Matine. Et on en apprend à chaque nouvelle journée parce qu'il y a tellement de règles et tout ça qu'on ne peut pas tout savoir. Donc là, il y a eu un petit temps mort devant une petite explication d'arbitre entre eux et on va repartir pour un nouveau jam. Alors là, apparemment, il y a eu un petit souci aussi dans la composition d'équipe du côté des Seagulls. Voilà, allez, ça a l'air bon. On va repartir pour ce nouveau jam. Alors, tu les vois se mettre en tripode là, la défense, je sais pas si t'arrives à les voir. Ouais. Et les bloqueuses là. Ouais, voilà, je les vois. C'est parti. Et c'est parti pour ce nouveau jam. Elle est passée. Voilà, ça passe. La jameuse des Full Metal Punkettes qui est passée, qui prend le lead alors. Machatari. Et la jameuse des Seagulls est bien bloquée par la défense de Tarb. Ouais, voilà. Non, il y a une bonne défense de Tarb, je trouve. Là, j'ai trouvé hier aussi que leur niveau a augmenté. Ça défend mieux, ça passe mieux aussi en termes de jameuse. Et voilà, tu vois, la jameuse de Machatari a pris 4 points. Ouais. La jameuse de Full Metal Pocket passe des Seagulls passe enfin. Donc ça veut dire qu'elle a un tour d'avance, la jameuse de Full Metal Pocket. Et donc là je pense qu'elle va essayer de passer et de coller. Non. Ouais, colle, ça y est. Et voilà. Donc, je pense que ça va faire 4 partout, non ? Non, 8, 4. Apparemment, ils ont compté les 4 passés pour la jameuse Tarbèze. D'accord. Donc, 8, 4. Moi, je la voyais coincée. Elle en avait peut-être passé 2, mais grand max. Et alors que, justement, la jameuse des Seagulls passait ses 4 premiers. Donc, j'aurais plutôt vu peut-être un 5-4 ou 6-4, mais pas 8-4. Mais bon, écoute... Ah, en même temps, c'est compliqué d'arriver à tout voir parce que c'est un sacré bazar. Hein. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont autant d'arbitres aussi. Il y a 10 joueuses, joueuses. Ouais. Sur un tout petit périmètre, donc ouais, c'est assez compliqué de voir tout ce qui se passe. Ouais, et puis ça bagarre, hein, donc. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'arbitres aussi, parce qu'ils pourront arriver à voir partout. Et même des fois, ils ratent des trucs. C'est des fois, t'as les coachs qui demandent un temps mort, ils disent ouais, mais là, il y a eu un truc et tout ça. Ils font pardon, on n'a pas vu. Ouais, ils peuvent pas tout voir, les pauvres. Ah, c'est ça, ouais. Mais ouais, donc alors imagine nous de là où on est, parce que eux les arbitres sont sur le track, ils sont au plus près des joueuses. Oui, c'est ça. Donc nous de là où on est, en fait, c'est compliqué d'arriver à tout voir, de saisir quand il y a des fautes et pourquoi. Parce que bon, ben Mati n'a pas voulu équiper les arbitres avec des micros ou quoi, histoire qu'on ait des retours, tu vois. Non, il n'y a pas les moyens. Et comme ça, on pourrait entendre quand ils sifflent et qu'ils disent la faute, nous on pourrait savoir, mais bon. Donc c'est compliqué de dire pourquoi. Alors là on a une comment ça s'appelle alors on a deux des changements, une bloqueuse de chaque équipe en prison, ouais. Et on va démarrer un nouveau jam du coup, bah, si je dis pas de bêtises, 4 contre 4 au lieu de 5 contre 5. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Il y a encore des petites explications entre c'est bon. Ouais, ça va démarrer. Il y a des petites explications encore entre arbitres. Oui, parce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord aussi sur... des fois, comme je disais, juste pour l'histoire du sifflet, pour arrêter un jam, il y en a un, c'est dès le début du sifflage, l'autre, c'est au troisième sifflet. Il y en a aussi qui, peut-être, qui ne voient pas les choses de la même manière pour, je sais pas, une faute, pour une sortie de terrain, cela. Donc, de temps en temps, ils se réunissent pour se remettre d'accord, ouais, histoire d'être cohérents sur leur arbitrage. Exactement. Voilà, alors la jameuse des Full Metal Punkettes vient de prendre le lead. Il y a eu une chute importante, enfin importante, beaucoup de joueuses au sol, là. Voilà, la jameuse des Seagulls part en prison, donc on part sur un power jam. Alors déjà qu'elle avait le lead à Full Metal Punket, là elle est en mode power jam, elle peut engranger un max de points. Donc c'est l'occasion de décoller, de rattraper le score. Exactement. Voilà. Et là du coup, c'est coéquipières, ouais. Elles vont essayer de l'aider, voilà, également. Voilà, donc c'est ça. Là, elle a même pas eu besoin d'être aidée, pim pam pam. Donc c'est ça, là le but de ces bloqueuses, ça va être de l'aider à passer les bloqueuses adverses. Et c'est le seul boulot qui lui reste, donc qui leur reste à faire là, vu que la jameuse adverse est sur le banc. Et voilà, là, elle vient de se faire recycler. Et tu vois, elle revient derrière les joueuses qu'elle n'a pas dépassées. Donc, elle n'est pas venue loin. Alors, okay. Des fois, il y a une joueuse qui peut se désolidariser et remonter en arrière pour faire rentrer le plus loin possible la jameuse. Lui faire perdre du temps, évidemment. Ok. Donc, on est toujours en power jam. Et là, bon, ces joueuses ne l'aident pas des masses. Et elles viennent de repasser. Non, elle est sortie. Voilà. Donc, elle rentre. Il faudrait que ces bloqueuses l'aident un peu mieux ou un peu plus, je sais exactement, pas. Exactement, j'ai un peu l'impression qu'elles ne l'aident pas trop. Ah non, mais là, elles se remettent en place parce que la jameuse des Sigus revient sur le track. Exactement. Voilà. Ouais, il faut regarder ça aussi. C'est ça. Bon, elle en a profité, elle a déjà pris 8 points. Là, je pense que voilà, elle a collé. Non, elle a pas collé. Ça a sifflé pourquoi alors? J'ai pas vu. Ah, ça y est, la jameuse des Sigus passe. Donc, c'est son premier passage. Hein. Donc, là, je pense que. Ouf. Il va falloir qu'elle colle, là, la jameuse de Tarbes, parce que. Voilà, elle colle. Elle colle, comme ça Sigul prend pas de points et elle en a mis, je pense, au moins 4 de plus, donc elle va lui coûter 12 sur ce jam, tu vois, c'est bien. C'est pas mal. Voilà, 12-0, 12-0 là voilà. Oui, c'est même très très bien. Ça permet de prendre un peu le large, bon, bah, 12 points hein, de large, mais qui peut être rattrapé sur un jam comme on vient de le voir, mais c'est bien. Là, je suis étonné, je m'attendais pas au Full Metal Punkette devant au score, tu vois, je m'attendais plus au Sigul, mais pourquoi pas. Tout est possible, hein. Voilà. Les Sigul nous avaient fait une belle prestation au dernier week-end de championnat, là, il y a un mois et demi. Donc, c'est pour ça que je me basais sur ce pronostic. Mais bon, comme je t'ai dit, hier, on s'est fait... on nous a fait mentir. On avait fait des pronostics par rapport à ce qu'on savait du dernier week-end. Et en fait, les équipes ont comme un nouveau visage pour ce week-end, dernière ligne droite du championnat. Donc, je pense qu'elles ont toutes envie de défendre leur bout de steak. Exactement. Voilà. Et ça passe pour la jameuse des Full Metal Punkette qui marque ses 4 premiers points. Et. Mais la jameuse des Sigul est en prison, j'avais pas eu, donc c'est un power jam encore pour les Full Metal Punkette. Deuxième power jam d'affilée, donc c'est l'occasion de marquer un max de points. Voilà, là on voit un peu mieux les bloqueuses vertes qui travaillent pour leur jameuse, pour l'aider à passer. Et ça passe et ça fait 4 points de plus. Et la jameuse des Sigul, c'est de retour. Ouais. Donc elle a eu le temps de prendre 8 points, c'est bien. Mais je me demande si la jameuse des Sigul, elle a fait son passage initial. Je crois pas, on va voir si on arbitre de... Ça y est, c'est son passage initial, voilà. Donc là, je pense que la jameuse des Sigul, il va falloir qu'elle colle. Parce que là, colle, elle lui dit, ça y est, voilà. Elle a collé, alors peut-être pas à temps, peut-être... elle a pris 0 point la Sigul, donc c'est bon, elle a collé à temps. 0 pour ce jam, c'est ça ? 2 points, elle a pris aussi. De, donc 8 à 2, alors. Donc, non, ça va, non, 2 points pour le full, donc 10-0. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'elles auraient pu en profiter peut-être un peu plus de ce power jam, mais c'est 10 points à 0 de prix, c'est quand même bien joué parce qu'elles donnent aucun point aux Siguns et elles prennent le large maintenant avec combien de points d'avance? 12, 22. Ouais, 22 points d'avance, voilà. Et là, il y a... Alors, je vois pas bien ce qui se passe. Bon, ça se remet sur le track. On dirait qu'il y a un temps mort, mais non, pas sûr. Non, il n'y a pas de temps mort. Là, il y a juste les joueuses des Seagulls qui sont un peu mélangées les pinceaux pour aller s'installer sur le track. C'était pas les bonnes joueuses qui sont allées. Alors, on démarre avec une bloqueuse de chaque équipe en prison. Donc, il y aura que 4 joueuses de chaque équipe sur le track et c'est parti pour ce nouveau jam. Alors, là, ça fait rail sac. T'as vu, c'est bloqué, bien bloqué. Hop, ça chute. Ouais. Voilà. Bon, heureusement, les joueuses sont quand même bien équipées. Hein. Il y a casque, joulière, coudière. Voilà. Et les deux jameuses passent. Et c'est la jameuse des Full Metal Punkette qui a pris le lead. Mais alors, elles sont elle à coude à coude. Elles ont droit, et elles ont le droit de se gêner, se mettre des bouchons. D'accord. Pour se sortir du track ou quoi, tu vois. C'est en même temps normal. C'est elles-mêmes qui prennent les points en passant nos joueuses. Donc, elles se gênent, elles se bousculent. Et là, t'as vu, oui, juste un grand coup de patinage. La jameuse des Seagulls qui a rattrapé la jameuse des Full Metal Punkette. Et on a terminé cette première mi-temps avec 85 pour les Full Metal Punkette et 63 pour les Seagulls. Du coup, ton impression pour cette première mi-temps Mon impression, très très bonne. Hein. Je commence maintenant au bout de 30 minutes à bien comprendre ce qui se passe. Donc très bien. Bon, bah, très bien. Eh ben, on se retrouve dans 10 minutes pour cette deuxième mi-temps. Ça marche ? Ça allez, marche. Eh bien, à tout à l'heure. À de suite. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga. Et on est de retour, non pas pour jouer un mauvais tour, mais pour cette seconde mi-temps de match qui affronte les Full Metal Punkhead face aux Sigul. Ça va toujours bien, Léa? Ça va toujours. Ok, d'accord. Bon, on en profite pour faire un bisou à Vicente et du coup à ta famille apparemment qui nous écoute. Quel honneur. Quel honneur, exactement. Alors, t'es pas peu fier? Je suis très très fier. Ah, qu'est-ce que t'as dit ta maman? Je vais passer très très bien à l'antenne. Ah, bah, c'est bien ça. Ah, tant mieux, tant mieux. Donc du coup, bah, je pense que Mathilde, il va falloir l'embaucher plus régulièrement hein, parce qu'elle passe bien à la radio. Donc voilà. Donc on a toujours Mathilde dans les parages. Hein. Il est pas derrière le micro. Mais... Qu'est-ce que t'en penses à la Yard? On t'embauche pour le prochain match ou pas? Allez, si vous voulez. Ouais. Bon, le match va reprendre dans une minute, un peu plus d'une minute. Alors du coup, tes impressions, cette première mi-temps Eh bien, très très bonnes impressions. Au début, je me disais que j'allais avoir du mal à comprendre, mais je pense que là, je commence à peu près à comprendre. Et ça m'arbitre, venir. Je pense que bon, ça peut peut-être un peu m'aider. Voilà, avoir la logique des règles, etc. Donc bon, voilà, on verra la deuxième. On dit mi-temps également ou... Ah ouais, deuxième mi-temps, oui, deuxième oui, mi-temps, oui. Ouais, deuxième mi-temps, comment voilà, ça va c'est se ça. Dérouler. J'espère qu'il y aura un peu plus de. Un peu plus d'affrontement, peut-être un peu plus de points de demi. Parce que voilà. Toi, t'es arbitre donc, de rugby, oui. Et t'es seul sur le champ à gérer 30 gaillards, quoi. Exactement. Et gaillard, tu fais des matchs féminins aussi, les deux? J'en fais très peu. Très peu. J'ai fait un match cette année, mais sinon, c'est surtout, surtout des hommes que j'arbitre. Oui. D'accord. Donc voilà. toi, toutes ces 30 gaillards, et t'as vu là, pour exactement. 10 joueuses, ils sont 13 arbitres. C'est vrai. Bon. Mais après, c'est pas du tout le même sport et c'est pas du tout la même dynamique. Donc, il faut un peu plus de monde. Non, évidemment. Mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, ils sont beaucoup quand même. Oui, alors enfin, bah, t'as quand même tes collègues d'arbitre de touche aussi qui t'aident pour des trucs que tu vois pas forcément. Mais mes collègues d'arbitre de touche, dans ma catégorie, c'est des joueurs, donc ils m'aident pas forcément beaucoup. Ah ouais, d'accord. C'est un joueur de chaque équipe qui fait la touche. Donc, ah ouais, d'accord. Oh non. Ah ouais, pas du tout impartial le truc, quoi. Non, pas si du un tout. Jour je monte, j'aurai oui des arbitres assistants, mais pour l'instant... D'accord, et qu'est-ce qu'il faut pour que tu montes? Plus d'expérience Oui, il faut que je passe mes examens, ah, oui, il voilà. faut que je sois supervisé et qu'on me fasse monter petit à petit. D'accord, c'est un truc que tu souhaites? Pourquoi pas? D'accord, bon ben on verra alors suite au prochain épisode. Exactement. Allez, les joueuses sont de retour sur le track, on va repartir pour le premier jam de cette seconde mi-temps. Alors est-ce qu'on va avoir du spectacle à cette seconde mi-temps? Alors je vous ai dit une énorme bêtise pendant la première mi-temps. En fait c'est, les deux équipes sont en bas du tableau du classement national donc du coup elles s'affrontent au même niveau. Donc effectivement ça nous permet de mieux comprendre pourquoi c'est aussi serré exactement. Et qu'il n'y a pas d'énorme écart. Bon, pour l'instant, les Full Metal Punkhead ont l'avantage au score hein, de 22 points, mais ça peut vite se rattraper. Souvent, les secondes mi-temps, Alaya, un phénomène se passe, c'est que suite à la pause de 15 minutes et tout ça, soit le coach arrive à recadrer ses joueuses et à remettre du peps, soit il y a un creux. Pour une des deux équipes et là c'est l'hémorragie. Ok, il y a un énorme écart qui se crée entre les deux équipes. Ça peut être à ce moment-là, ça se joue, bon il y a le physique mais ça se joue aussi beaucoup au mental et souvent il y a une chute de mental et paf là c'est l'hémorragie, il y a une des deux équipes qui prend le dessus et ça clôture le match à peine même à court de deuxième mi-temps quoi. Donc, donc on va voir là comment... ce que la pause aura engendré comme état pour chacune des équipes. Là, pour l'instant, c'est la leader des Full Metal Punkhead qui prend le lead, la jammeuse, pardon, qui prend le lead et qui colle à arriver qui dans le pack. De près, ouais. Voilà, ouais. Je pense qu'elle prend. Est-ce qu'elle a pris des points? J'arrive pas à voir son arbitre. Bon. Non, apparemment, non. Elle a collé à peine arrivée dans le pack. Donc pareil, on repart sur les mêmes bases que la première mi-temps. Donc, vraiment, on assure le steak. Exactement. Pas de risque. Pas beaucoup de risque. Voilà, on donne pas de points à l'adversaire, on n'en prend pas non plus. Bon, c'est un choix tactique. Mais bon, on voit. Alors, c'est ça qui est génial dans ce sport, c'est que ça se passe toujours dans la convivialité, la bienveillance et tout ça. C'est jamais méchant. C'est vrai. Voilà, c'est toujours avec le sourire. Même quand elles se bousculent ou elles se font tomber, elles s'entraident entre chaque équipe à se relever et tout ça. Une petite tape amicale ou des excuses, tu vois. Voilà, c'est vraiment un très très bon esprit. Hop, et ça colle pour la jameuse des cyclistes. C'est agréable. Ouais, voilà. Alors que c'est un sport de contact qui peut être peu violent. Enfin, il y a des blessures assez graves. On a vu des joueuses qui s'étaient cassées et tout ça déjà. Mais il n'y a jamais. Mais c'est pas volontaire. Non, il n'y a jamais d'animosité ou quoi. Exactement. Il peut arriver qu'il y ait de l'énervement. Ça arrive et que du coup. Mais là, c'est vite sanctionné parce que souvent, elles s'énervent. Du coup, elles font beaucoup plus de fautes. Donc, du coup, elles partent plus souvent en prison. Et au bout d'un moment, les coachs les calment aussi et les font un peu moins jouer histoire qu'elles redescendent. Mais il n'y a jamais eu de mots. Enfin, moi. Depuis 2 ans que je suis ça, j'ai jamais vu de mots qui allaient plus haut que les autres. Voilà. Alors, nouveau jam, la leaduse des Seagulls qui prend le lead. Elle est suivie de près par la jameuse des Full Metal Punkettes. Faut que j'arrête de dire la leaduse pour la jameuse, moi. Ça fait 2 fois que je me trompe. Voilà. Et voilà, c'est de retour dans le pack. Et voilà, elle colle parce que les deux sont arrivés dans le pack. Alors, il y a 2 points qui ont été pris par les. Full Metal Punkettes et 2 points par les Seagulls, donc encore un jam très serré. Voilà, c'est. J'espère que ça va se débloquer un peu parce que j'aimerais du spectacle. C'est plus sympa quand il y a du spectacle. En fait, c'est quand il y a une des deux jams qui va en prison ou le jeu qui se fait. Hein. Voilà, quand on a du power jam, ouais, effectivement. Mais là, pour l'instant, il y a tout le monde sur le track, c'est très serré. Ça contrôle bien en fait des deux côtés. Et hop, alors la jameuse des Seagulls a trouvé une faille, a réussi à passer, elle prend le lead. La jameuse par contre de Full Metal Punkettes est bien coincée au tout début du pack. Elle a un peu plus là. De mal là-bas. Ouais, elle a du mal. Ouh, sacré bouchon. T'as vu, elle s'est fait le passage. Hein, c'est qui là? C'est Hello de Vie. Ouais, on a l'habitude d'avoir ce style de jam avec Hello de Vie. Hop, et elle finit par trouver la faille. Ça y est, elle passe. Voilà, donc. Elle a fait son passage initial. Là, la jameuse des Seagulls, voilà, colle. Elle était en plein dans le pack et colle. Je crois qu'elle a passé deux joueuses, peut-être 3. Ah non, elle est en prison, elle a pas pu coller. Elle a fait une faute. Donc, du coup, c'est un power jam pour les. Elle avait fait le signe. Oui, mais elle avait fait une faute avant. Avant. Et donc, du coup, ça n'a pas été pris en considération. Elle est partie en prison. Et la jameuse des Full Metal Punkettes a du coup le power jam. Est-ce que tu as pu voir la faute qu'elle avait fait ou... Non, pas pu. Non, ça va vite. Puis on voit pas. Ouais. Des fois, elles sont de dos et tout ça. Donc, pourtant, on les avait juste devant. Hein, mais j'ai pas su voir. Bah, là, souvent, c'est des fautes de main. Elles ont pas le droit de se servir de leurs mains, leurs bras. Ok. Et donc voilà. Donc, ça fait 8 points pris pour les Full Metal Punkettes sur ce jam à 0 pour l'instant. Ça continue à tourner. Hein, et hop, elle prend 4 points de plus. 12-0. Et la jameuse... Elle a fait un petit saut. Voilà. La jameuse des Seagulls revient sur le track. Voilà. Alors là, plus personne, comme elle avait le lead qu'elle est partie en prison, il n'y a plus de lead. Donc du coup, il faut aller jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il reste 30 secondes. Et c'est l'occasion de marquer des points. Donc hop, hop. Et 4 points de plus pour la joueuse des Full Metal Punkettes. Ça fait 16-0. 16-4 maintenant. Parce que la jameuse des Seagulls a réussi à passer le pack. Donc 16-4. Donc là, il y a moyen que ça peut faire un jam à 24 ou 28. Oh, voilà, très, joli. Très joli. T'as vu ça? Ce petit saut de biche à l'intérieur, là. Et c'est génial. Donc voilà, ce que je disais, 28, là, normalement, voilà. On en a 28 et il reste une seconde, ça va être sifflé. Donc un jam à 28, voilà. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'il y a un power jam, là, ça commence, il y a un peu de spectacle, ça prend du point. Et en fait, ça leur permet pas d'arrêter le jeu. Donc voilà. En fait, ça les oblige à devoir franchir. Et c'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, on est un score de 111 pour les Full Metal Punkettes à 75 pour les Seagulls. Donc ça nous fait combien ça d'écart? 36. Oh, bien. C'est bon. Voilà. T'as vu, on fait des maths en même temps. Hein. C'est multitâche ce sport à commenter. Donc là, on voit. Que les Full Metal Punkettes sont déjà prêtes sur le track, mais nous n'avons pas les Seagulls. Il y a peut-être eu un temps mort demandé, mais je vois pas. Si, non, je la vois pas. Parce qu'on a aussi. Alors, c'est pas vraiment un arbitre, mais un officiel sur le. Ah, si, ça y est, fait le geste. Sur le. Comment ça s'appelle? Sur le track, en plein milieu, tu vois. le jeune homme avec le pull noir là, et derrière il y a une dame avec un t-shirt noir, ouais, et qui fait des signes là comme si elle accueillait un avion sur le tarmac. Et en fait c'est elle, elle montre, c'est quand si quelqu'un a fait a demandé un temps mort, et elle montre l'équipe qui l'a demandé, et fait ces gestes là pour en fait signaler ce qui se passe au niveau des temps morts, des, tout, et tout ça. Donc là elle montre que ça va vers les Seagulls, donc ouais, il y avait bien un temps mort de okay, des Seagulls demandé, je pense pour remettre un petit coup de coaching et pour recadrer un peu l'équipe. Et parce que mine de rien, bah encore une fois, la James des Seagulls a fini en prison, et ça a profité au comment ça s'appelle, au Full Metal Punkette de faire un power jam et d'engranger des points et remettre quelques points de plus d'écart. Donc voilà, ça y est, tout le monde est de retour sur le track. On va démarrer ce Doom au jam. On est à 24 minutes de jeu, donc ça fait quoi, 6 minutes qu'on a démarré. Voilà. Et ça va, c'est parti. Ouais, un coup de sifflet, on attend. Et c'est parti, voilà. Allez, hop. Alors tu vois là, elle démarre, quand elle se positionne, elles peuvent avancer vers les jameuses ou quoi pour leur donner plus ou moins d'élan. Ok. Et en fait, moins elles ont d'élan, moins facile c'est à passer. Donc là, c'est la jameuse des Full Metal Punkette qui a pris le lead, qui est passée assez rapidement. Ça y est, ça passe pour la jameuse des Seagulls. Mais la jameuse des Full Metal Punkette est déjà... a déjà fait le tour, elle a déjà repassé le pack, et ça y est, elle passe les 4 et elle colle, voilà. Elle a fait un boom track. Elle a fait un boom track impeccable, quoi. Elle a eu le temps de passer les 4 bloqueuses adverses avant que la jameuse adverse revienne dans le pack. Donc on assure un 4-0, peinard, voilà. C'est pas mal. C'est ça, bien joué. Je crois qu'il y a un peu plus de difficultés pour les Seagulls là, en cette deuxième mi-temps. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que le coach a demandé un temps mort. Plus de mal à passer pour la jammeuse, plus ouais, de fautes aussi des jammeuses, puisqu'elles sont déjà sorties des fois sur le banc. Donc attention. Ça va lier à la fatigue sur ah ben là, je dis ça, passer. Passe, c'est la jammeuse qui passe. Elle direct. Donc c'est la jammeuse des Seagulls qui prend le lead. Voilà, alors que la jammeuse des Full Metal Punkette est bien bien coincée dans le pack là-bas. Ça y est, la jammeuse des Seagulls a fait le tour et revient. Donc la jammeuse des Full Metal Punkette n'a toujours pas fait son passage initial. Bah je le dis, elle le fait évidemment. Donc en fait, il faut que je l'annonce les trucs pour qu'elle le fasse hein, apparemment. Hein. Mais c'est souvent comme ça. Ouais. En plus, c'est quand on dit des choses, c'est le contraire qui arrive. Donc voilà. Et là, bah, la jammeuse des Seagulls a pris ses 4 points, a fait un boom track, tu vois. On a vu le même scénario que le jam d'avant, mais avec les jammeuses différentes, enfin l'équipe différente. Donc 4 points pris pour les Seagulls qui sont à 79 contre 115 pour les Full Metal Punkette. Et on se prépare pour un nouveau jam. Voilà, personne en prison, tout le monde sur le terrain. Hop, et c'est parti. Oh là là là là là là. C'est limite trop facile de passer pour la jammeuse. Elle va pas passer des Full Metal Punkette, mais alors passer, mais hyper facilement, incroyable. Alors que là, la jammeuse, ça y est, elle passe enfin. Tu vois, elle a dû finir par passer parce que ça s'est trop étalé le pack de défense sur 6 mètres là. Ouais. Donc voilà, elle va pas passer. Déjà dans le track, voilà, elle colle. Mais elle est sortie, je crois qu'elle va pas avoir tous les points comptés parce que. Je pense pas non plus. Et non, je sais pas. Alors du coup, j'attends de voir un peu ce qu'annonce l'arbitre. 3. Ah si, quand même, il compte pas mal de points, je trouve, alors qu'elle était sortie. Ouais, moi bon. Aussi. Bon. J'avais l'impression qu'elle avait, qu'elle avait un pied qui était sorti, mais bon. Ouais, moi l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Hein. C'est ça. Moi, j'ai vu au moins une joueuse passer avant qu'elle sorte, mais du coup, il a compté les deux autres joueuses passer, donc ça fait un total de 3, alors que pour moi, elle était sortie après la première. Et bon, hein, comme tu dis, l'arbitre a toujours raison. Voilà. Donc là, on a une petite réunion arbitrale. Alors, est-ce que c'est... Bon, c'était mon running gag d'hier, ma blague. Dès que les arbitres se réunissaient, c'était pour se mettre d'accord sur quelle couleur était la meilleure dans les M&M's. voilà. Donc, j'arrêtais pas de leur dire que c'était le bleu. Mais Mathieu n'était pas d'accord, d'ailleurs. Et bon, on n'aura jamais la réponse, d'ailleurs, parce qu'on n'entend pas les arbitres. Voilà. Toi, quelle couleur tu préfères dans les M&M's? Et eh bien moi j'arrive pas à faire de différenciation entre les couleurs donc dans les M&M's. Ben voilà, mais c'est exactement le résultat la conclusion qu'on a faite avec Mathilde, c'est voilà. Que c'est juste juste des couleurs différentes, mais en termes de goût ils sont pareils quoi. Exactement. Voilà. Donc alors on est parti pour ce nouveau jam. On a la jammeuse des Full Metal Punkette qui a pris le lead assez facilement et qui vient de pas prendre ses 4 premiers points. Ah mais elle est en power jam en fait, la jammeuse des Seagulls c'est dehors. Donc là, c'est le quoi de prendre des points. Bah, la jameuse des Sigul vient de rentrer, mais elle n'a pas fait son passage initial. Et donc c'est l'occasion de mettre 8 points là pour les Full Metal Punkettes. Voilà, bon, sa bataille sexe, ça défend bien là des deux côtés. Ouais. Parce que Hello de Vie a du mal à passer. Ça y est, passage initial là, est passé. Voilà, son passage initial est fait. Et la jameuse des Full Metal Punkettes est passée aussi et elle colle. Voilà, mais 8 points, 8-0. Et doucement, mais sûrement, les Full Metal Punkettes prennent le large. Exactement. Voilà. Elles ont su profiter des power jams qu'elles ont eues. Engranger pas mal de points, franchement des jams à 12-16 points, donc, et on a vu un jam à 20 points aussi d'ailleurs. Exactement. Voilà, donc elles jouent bien leur jeu, elles profitent bien des occasions qui leur sont laissées par les Siguns. Là, on démarre ce jam avec une bloqueuse des Full Metal Punkettes en prison, donc elles sont en ferrutin numérique de moins 1. Voilà. Ah, c'est dur, là, ça bataille sec, hein, mais ça passe pas. Mais étonnamment, ouais, malgré le fait qu'il y ait une bloqueuse en moins, eh ben là, la jameuse des Siguls n'arrive pas à passer. Voilà, elle est vraiment coincée au tout début du pack. Alors que la jameuse de Full Metal Punkettes, ça y est, elle est passée. Elle passe, voilà, Machatari. Alors qu'elles étaient à elle a trouvé la faille. Et ça y est, ça passe pour la jameuse des Siguls. Et ça a été grosse. Ça y est, toutes les joueuses sont de retour sur le track, il n'y a personne en prison. Et elle vient de repasser. Elle vient de repasser, elle prend 8 points. Et voilà, ça colle pour les Full Metal Punkettes qui assurent un boom track 4-0. Voilà, propre comme à leur habitude depuis ce début de match, hein, et ce début de seconde mi-temps. Elles sont dominantes quand même en cette deuxième période, largement les Full Metal Punkettes. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler le score, s'il te plaît? Il y a 130 à 81. Mais 130 et pour qui? 130 pour les Full Metal Punkettes et 80 pour les Seagulls. Très bien, merci. Ça nous fait combien d'écart? Oh, c'est propre, celui-là. 50. Ah, voilà. Là, c'est facile. Ouais, c'est facile. 50. Allez, c'est reparti pour un nouveau jam. On a la pivot des Seagulls qui est en prison. Et la jammeuse des Full Metal Punkettes, tiens, qui part en prison. Donc, c'est un power jam pour. Ah ben il y avait la jameuse des Siguls aussi en prison. Oh là là, c'est ça a beaucoup tourné là. Il y a deux bloqueuses Siguls en prison. Oh là, donc c'est un power jam pour les Siguls du coup. Et est-ce qu'elles vont savoir en profiter pour se recoller au score? On va voir ça. Ça défend bien du côté de Tarm. Voilà. Et ça a beaucoup de mal à passer là pour la jameuse des Siguls, pour Momo. Et non, elle n'y arrive pas. Bon, on sent peut-être un peu de fatigue, ouais, de leur part. Ça y est, la jameuse des Full Metal Punkettes est de retour. Ouf, elle est arrivée vite, elle s'est pris un bon bouchon. Et elle n'est pas passée. Et là, ça travaille très dur, très très bien les défenses des deux côtés. Là, aucune des deux jameuses n'arrive à passer. Donc, du coup, ce power jam n'a été utile à personne, finalement. Mais comme les deux jameuses ont fini en prison, il n'y a pas de lead. Donc, elles vont devoir aller jusqu'au bout du temps réglementaire. Et il reste 45 secondes, c'est ça si je me trompe c'est pas? C'est ça, tout à fait. Okay. Voilà, ça y est, la jameuse des Siguls est passée. Donc, c'était son tour initial. La jameuse, pardon, des Full Metal Punkettes est passée, c'était son tour initial, donc elle n'a toujours pas pris de points. Par contre, la jameuse des Siguls n'est pas passée du tout. Et ça y est, elle passe. Alors, elle passe et elle marque un point. Elle avait dû peut-être déjà passer. Non mais c'est bizarre parce qu'elle a passé tout le monde et elle lui a dit qu'elle prend qu'un point, donc là je comprends pas tout. Oui, sachant que voilà, j'ai oublié de t'expliquer cette règle là aussi. Quand t'as des bloqueuses en prison, elles comptent d'office pour les points. C'est-à-dire que quand la jameuse va arriver dans le pack, dès qu'elle passe une joueuse, tu comptes en plus les joueuses qu'il y a sur le banc. Voilà. D'accord. Donc là par exemple si la jameuse des Siguls passait une joueuse une bloqueuse de des Full Metal Punkettes, comme il y a deux Full Metal Punkettes sur le banc, du coup ça, en passant une, ça compte 3 directs. OK. Voilà. Très bien. Ouais, le banc compte aussi, elles sont en prison et elles jouent pas, mais c'est aussi perdant pour eux dans le sens que ça fait prendre des points à l'adversaire parce qu'elles sont sur le banc. Voilà. Et il y a une joueuse là des Seagulls qui s'est fait mal, qui est tombée sur son protège-dents, il me semble. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, il y a un arrêt de jeu. Les médics sont rentrés sur le terrain pour. D'où l'importance de mettre des protège-dents. Ouais. Ah non, mais elles sont ultra bien équipées, il vaut mieux. Ouais. On a vu des hier, on a vu une chute en avant, à plat ventre, et avec la tête qui est allée cogner. Et heureusement qu'il y a le casque, en fait, parce que c'est le casque à tout prix. Et la joueuse s'est relevée en mode « Oh, c'est bon, tout va bien ». Alors que c'était, c'était une sacrée patate. Là, on est en train de parler dans le vent, je crois. Il faudrait trouver Matine. Ouais, vas-y, continue. Va nous trouver Matine. Et je sais pas où il est. Et donc, allez, c'est reparti pour ce nouveau jam avec la jameuse de Sigurd qui a pris le lead assez rapidement. Là, il y a la jameuse des Full Metal Punkhead qui a pris le retour très vite. Et du coup, hop, on est de retour dans le pack et là, ça colle direct. Alors, est-ce qu'on va refaire un boom track propre? Non. Ça met que 2 points, alors 2-1. Elle a mis 1 point, alors que tu vois, justement, la jameuse de Tarbes a réussi à revenir à temps et a pris 2 points alors qu'elle n'avait pas le lead. Donc voilà, ça fait 2 points pour les Full Metal Punkhead, 1 point pour les Seagulls. Le score est de 136 à 84. Et on va démarrer un nouveau jam d'ici quelques secondes. Là, c'est parti. Hop. Oh la jameuse des fous. Ah non, elle s'est fait recycler. J'ai cru qu'elle était passée très facilement, mais non, elle s'est fait recycler à l'extérieur. Un peu trop simple là. Voilà, et c'est parti. Ah non, là ça défend bien. On a toutes les joueuses qui sont de retour sur le track. Et voilà, et c'est passé pour la jameuse des Seagulls qui prend le lead. Et la jameuse des Full Metal Pocket, ça y vient de passer aussi. Elle est à un track de retard quasiment. Un tour de track et ça... Oh, jolie, belle défense là des Seagulls du coup qui a permis à leur jameuse de passer, de faire un beau boom track. 4 points assurés, ça c'est fait. Voilà, du coup... Bon, belle prestation de leur part. T'as vu la défense qui travaille bien, ça a créé un boulevard pour leur jameuse, elle est passée super à l'aise quoi. Donc c'est très très bien. Et là, elle pouvait se permettre de faire cette stratégie là, la défense, parce que la jameuse adverse avait vraiment un track de retard. Donc le temps qu'elle arrive, on a le temps d'aider sa jameuse avant de se remettre à défendre la jameuse adverse. Ouais. Donc voilà, et bien, tu te rends compte, elles doivent capter énormément d'informations, suivre énormément c'est de choses. C'est ça. Elles doivent capter les informations du coach, ce qui se passe sur le track, la prison et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des bench mirrors aussi. Exactement. Comme le monsieur qu'on a à notre droite là, qui bugle des informations aux joueuses des Full Metal Punkhead. Pour qu'elles puissent entendre à l'opposé du track à ce que le coach leur dise. Voilà, les Seagulls ont pris le lead là, la jameuse des Seagulls. Et ça, hop, sa bataille, elle va pas passer, n'arrive pas à passer. Et ça y est, elle passe. Alors elle va pas passer, elle se blaze parce qu'à l'origine c'est une pivot, elle est en défense. Mais ça lui arrive aussi de jouer comme jameuse. D'accord. Donc du coup c'est très drôle comme pseudo pour le jam. Elle va pas passer alors que justement elle est très bonne et elle passe très souvent. voilà. Donc jam terminé avec 3 points pris pour les Seagulls et qui ne laisse aucun point au Full Metal Punkhead. On a l'impression qu'elles se ressaisissent un peu les Seagulls là depuis 2-3 jams. C'est ça. Bon, par contre, les Full Metal Punkhead ont pris 4 points sur ce jam. D'accord, ok. Donc 4 à 3. Donc bon, c'est pas vraiment ressaisi finalement. Mais moi aussi je pensais que. Elles m'ont fait mentir. Mais moi j'ai cru aussi, mais. Après, je commence à avoir le reflet dans la vitre pile au niveau du score. Moi aussi, donc, c'est ça. Donc j'ai du mal à voir. Ouais, parce que comme on l'avait expliqué hier, Matine, c'est aussi une salle qui accueille du hockey sur roller. Et donc du coup, sur les côtés, il y a des protections en plexiglas pour éviter que les gens prennent les palais. Je pense qu'aussi, il doit y avoir, je sais pas, les médics aussi, ou je sais pas qui c'est qu'il y a pendant les matchs de roller, de hockey sur roller. Et donc du coup, ce plexiglas a des reflets et des fois, nous gâche un peu la visibilité. Bon, voilà. Donc là, il y a eu un temps mort, c'est un temps mort arbitral. Il y a une petite remise à niveau des arbitres là. Bon, les coachs du coup en profitent aussi peut-être, je sais pas, non, je vois pas les Seagulls moi de là où je suis. Mais du côté des Full Metal Punkhead, non. Toutes les joueuses sont sur le track. Oula, mais en fait c'est l'hécatombe. Il y a deux bloqueuses des Seagulls en prison et trois bloqueuses des Full Metal Punkhead en prison. Alors là c'est... Ah oui, effectivement, j'avais pas bien vu sur le track parce que les arbitres nous gâchent aussi un peu des fois la visibilité. Il y a une bloqueuse verte et deux bloqueuses blanches. et les deux jameuses qui sont là. Donc ça peut très vite passer. Ah oui, là, là oui. Donc on va voir comment ils vont jouer ça. Ah non, les arbitres sont toujours en discussion. Voilà, on attend après. Ah oui, donc il n'y a qu'une bloqueuse pour les Full Metal Punkette. Ouais, et c'est ça. Deux ouais. pour les Seagulls, c'est ça. Voilà, ah, c'est ouais. ça. Donc il y a moyen que ça passe assez vite. Comme non, hein, ça dépend. On va voir si la bloqueuse des Full Metal Punkette est bonne. Ah, oh, tiens. Elles se sont, c'est un elles truc se de dingue. Sont gênées, j'ai l'impression. Ouais, ouais, elles se sont gênées, la bloqueuse et la jameuse verte se sont gênées. Ouais. Et du coup, la jameuse des Seagulls est passée hyper facilement. C'est dommage. Voilà. Oh, joli, tu vois, un petit bouchon de rien du tout, elle a fait chuter. Et mais elle repasse. Mais elle passe, elle prend 4 points. La jameuse des Full Metal Punkette n'a toujours pas fait son passage initial. Ah, ça y est, elle vient ça de y passer. Elle vient de le faire. Voilà. À l'instant. Donc là, ça fait 4-0 pour l'instant. Et. Oh là là, mais c'est l'hécatombe, il y a combien de joueurs sur le banc? Ça y est, ça revient pour les bloqueuses des Full Metal Punkette. Mais un peu tard, hein, parce que ça fait 8-0. Ça fait 8-4, normalement, si je dis pas de bêtises. Je comprends pas pourquoi elle a pas collé après avoir pris ses 4 derniers points, là, la jameuse des Seagulls. Et elle est repassée. Et elle est repassée, voilà. Et elle bloque. Je sais pourquoi elle a pas collé. Elle attendait que tout le monde revienne sur le. Parce qu'elle a une joueuse en prison. Exactement. Sûrement pour qu'elle revienne en prison. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est voilà. ça. Voilà, mais là finalement, je pense qu'elle a reçu la consigne de coller pour éviter de donner trop de points aux Full Metal Punkette qui sont toujours devant au score. Elles font quand même 12 à 4 sur ce jam. Elles prennent 8 points du coup par rapport aux Full Metal Punkette, donc c'est bien. Et le score est de 144 à 103, donc 41 points d'écart. 41 points d'écart, ça peut vite se rattraper. T'as vu avec les Power Jam qu'on a vu, à grand coup de 16 ou 20 points, tu vois. C'est ça. Alors, c'est des scores qu'on voit pas si souvent que ça. Mais il suffit qu'il y en ait un, comme on l'a vu tout à l'heure. T'as vu le 20 points, et hop, ça tu recolles vite au score. Exactement. Voilà. Et on a vu ça au dernier week-end de championnat. Les Harpy Braqueuses, qui portent bien leur nom, qui ont, sur les deux derniers jams, ont fait des Power Jam et ont braqué du 20-24 points. Et qui étaient en retard et du coup qui ont fini devant et qui ont gagné leur match quoi. Donc, un sacré braquage. Voilà, la jameuse des Full Metal Punkette de Tarbes vient de prendre le lead. Voilà. Et la jameuse des Seagulls vient de passer. Voilà, fait son tour initial. Donc 4 points pris pour Ecole. Voilà, un boom track dans les règles de l'art. Comme ça, on prend les points, on en donne aucun. Et du coup, tu vois. Elles prennent 4 points pour reprendre un peu d'écart parce qu'elles mènent au score et je pense qu'elles veulent gagner ce match. Exactement, là voilà. On a vu qu'elle a regardé son coach qui est à côté de nous pour savoir ce qu'elle pouvait faire. Alors c'est le bench mirror lui, voilà, c'est le miroir du coach. Voilà, le miroir du coach alors. Voilà, le coach tu l'as là-bas à gauche au fond, la coach d'ailleurs si je dis pas de bêtises, en noir là avec la veste noire. Ouais. Voilà, et là-bas t'as le banc des Full Metal Punkette, là-bas t'as le banc des Seagulls, donc avec leur coach, et là nous avons le bench mirror en fait, c'est le miroir du coach qui retransmet les consignes, donc qui est vraiment à la diagonale, comme ça les joueuses peuvent avoir les infos des deux côtés du track, sur la longueur, et pouvoir faire ce qu'il faut quand il faut. Bon, c'est pas tout le temps évident, mais voilà. Alors apparemment on a encore un temps mort... Et on voit tous les arbitres réunis au milieu du terrain, ça discute. Bon, ils en profitent aussi pour se faire une petite pause hydrate et tout ça, parce que eux aussi, exactement, quand même, oui. Eux, ils patinent, ils tournent sans arrêt et tout ça, donc ils suivent. Au niveau de la concentration aussi, ça doit pas être évident. Ils doivent être concentrés du début à la fin, donc. C'est ça, ouais. Une pause ne fait pas de mal pour eux aussi. Voilà, ça fait de mal pour personne. Alors, on va démarrer un nouveau track avec une bloqueuse des Seagulls en prison. Donc du coup les Seagulls sont en infériorité numérique. Voilà, ça y est, tout le monde est de retour sur le track pour redémarrer ce nouveau jam. Il reste 11 minutes de jeu, je rappelle le score. De 148 pour les Full Metal Punkette et 103 pour les Seagulls. Je rappelle aussi qu'en fait vous pouvez voir le match qui est diffusé sur le Facebook de Roller Derby Côte-Ouest Pays Basque, j'ai bien plus le nom, faudra que je redemande à Matine. Il est diffusé sur la page Facebook en live et vous pouvez nous écouter sur radionoculture.wordpress.com. Voilà. Et alors on revient dans le match là. La jameuse de comment ça s'appelle des Full Metal Punkette a pris le lead et la jameuse des Seagulls s'est fait sortir en prison. C'est Power Jam pour Full Metal Punkette. Voilà. Donc Power Jam, donc c'est l'occasion de mettre un max de points et encore creuser l'écart au score pour les Tarbaises. On va voir si elles arrivent à en profiter. Oh, et ça passe et très très facilement pour Hello de Vie. Ouais, voilà. Et donc là, on a 8-0 pour les Full Metal Pancakes. Tout à fait. On a, en plus de la jammeuse des Sigules, on a aussi une bloqueuse des Sigules en prison et une bloqueuse des Full Metal Pancakes en prison. Donc, ouais, ça... Ça peut faciliter la vie à Hello de Vie parce que voilà, il y a les... tous les joueurs sont de retour sur le track, ça y est. On a le bench mirror qui bug là côté de nous, jammeuse. Ben oui, parce que la jammeuse des Sigules est de retour sur le track, donc on n'est plus en power jam. Voilà, mais ça fait 12-0 quand même pour les Full Metal Punkhead qui ont su quand même profiter de l'occasion. Je crois qu'elle n'a pas fait son tour initial en plus, la jammeuse des Sigules. On va vite le voir là. Voilà, ça y est, elle le fait. Franchir, donc je pense que... Et regarde là, son arbitre qui est en train de faire le signe avec les mains à plat, donc ça veut dire qu'elle fait son tour initial. Et donc, c'est voilà, elle colle et elle prend. Voilà. 16 points. Tu vois, on parlait de Power Jam où tu peux mettre des points. Bon, là, c'était, on en parlait pour que les Sigules puissent recoller au score. Mais finalement, là, c'est les Full Metal Punkhead qui en ont profité. Et du coup, qui reprennent le large. 61 points d'écart. On était à 41 tout à l'heure. Hein. Ouais, donc, ouais c'est voilà. Sûr que... Ouais. Donc, on sent qu'elles veulent gagner ce match. Il reste 9 minutes et 12 secondes de jeu. On va repartir pour elle a pu coller même si parce que c'est pas elle, elle avait le lead et c'est pas elle en prison. Voilà, si la jammeuse qui a pris le lead part en prison, il n'y a plus de lead. D'accord. Elle perd le lead, donc du coup, mais il n'est pas donné à l'autre jammeuse. Donc il n'y a plus personne dans le lead, donc il faut aller jusqu'au bout du temps réglementaire. Par contre, si c'est l'autre jammeuse, celle qui a pas le lead qui part en prison, là bah, elle a toujours le lead, elle fait ce qu'elle d'accord, veut. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Ouh, castagné sec. Alors. Nous avons la jammeuse des Sigules qui a pris le lead, qui est de retour dans le pack et qui sort en prison, qui part en prison. Encore une fois, les jammeuses des Sigules sont souvent parties en prison, hein, je trouve, comparé aux jammeuses des Tarbaises. Alors du coup, ben là, elle avait le lead mais elle est en prison, donc on va aller jusqu'au bout du temps réglementaire. Et c'est incroyable, à chaque fois qu'on parle de truc, ça se passe. Hein. C'est incroyable, ouais. Il y a quelque chose là. Et je vais annoncer les numéros de l'Euro Mignon de mardi. Préparez-vous parce qu'il va sortir. voilà. Et donc du coup, là, on est parti pour tourner et tourner et tourner jusqu'à la fin de ce jam. Il reste une minute. Et donc la jammeuse là de Tarbes est dans le comment ça s'appelle, dans le pack. Ça y est, mais c'est quatre premiers points. Voilà, c'est les quatre premiers points. La jammeuse des Sigules passe aussi. Bon là elles vont se suivre, alors tu vois regarde, là il y a peut-être moyen qu'elles s'amusent à se gêner, non, elle s'est fait doubler par la jammeuse des Sigules, donc là ça va être, bon elle a un tour de retard, elle a la jammeuse des Sigules, voilà. Elles sont les deux passées, donc 8-4, normalement, voilà. Assez facilement. Non mais le bench mirror dit call, mais elle a perdu le call. Ah non, c'est la jammeuse des Full Metal Punkhead qui aurait le lead apparemment. Ah oui, parce qu'en fait elle avait pris le lead, mais elle a fait la faute, elle s'est fait sortir, donc son lead des Sigules ça n'a pas été validé quand elle est partie en prison. Et apparemment ça serait le... Eh ben non, ils ont retiré le lead sur le tableau, donc c'est bien ça en fait. Il n'y a pas de lead, c'est non, il n'y a pas de lead, c'était bien la jammeuse des Sigules qui avait pris le lead et qui s'est fait sortir en prison, donc il n'y a plus de lead, on va jusqu'à la fin du temps réglementaire, et il reste une seconde, c'est terminé. Voilà. Donc du coup ça fait... 1, 2, quoi ? Oh là là, c'est très bizarre là. Ah mais la jammeuse des Full Metal Punkhead avait fini en prison aussi entre temps. Oh là là, c'était, dis donc, c'est quel scénario ce jam. Donc on finit à 12-11 pour ce jam. Donc finalement il n'y a qu'un point qui a été pris et c'était pour les Full Metal Punkhead. Donc bah, finalement c'était un peu un jam dans le vent. Parce que pour prendre un point alors il y a l'occasion d'en prendre un paquet. Ouais. Voilà, dommage. Et ouais, c'est ça aussi qui est compliqué parce que là c'était devant nous, tu vois. Je l'ai vu se faire sortir, prendre le lead, se faire sortir. Donc, moi j'ai compris que bah, du coup elle est partie sur le banc avec le lead. Mais ça peut arriver qu'ils annoncent le lead et la faute aussi, mais qui est avant la prise de lead. Donc, elle finit sur le banc finalement, elle n'était pas leadeuse. Okay. Et du coup, le lead peut être pris par l'autre jammeuse. Mais là, non, c'était bien le cas, j'avais bien vu qu'elle avait pris le lead et fait la faute après. Donc, du coup, elle est partie en prison avec le lead et il n'y avait plus de lead sur ce jam. Voilà, ah 12-12. Donc c'est bah, un jam nul, tu vois, qui a porté 2 points à personne. 12-12. Enfin, si, du point au score, enfin, pour le goal à virage à la fin, ouais, mais en termes de mettre des points pour faire l'écart au score, 0. Allez, c'est parti pour un nouveau jam. Là, c'est un power jam pour les Sigul parce que la jammeuse des Full Metal Punkette est en prison. Donc c'est l'occasion là bah, pour elle de pouvoir mettre un max de points. En plus, il y a aussi deux bloqueuses en prison. Une pour les Sigul, c'est une pour les Tarbez. Allez, c'est le retour de la jammeuse de Tarb. Voilà, avec 4 premiers points qu'elle prend. Et la jammeuse de Tarb est de retour sur le track. Donc, et elle n'a toujours pas fait son tour initial. Donc ça veut dire que là, la jammeuse Sigul peut passer et prendre 4 nouveaux points. Et avant même que la jammeuse des Sigul prenne. Et elle est passée. Et elle est passée. Donc là, elle peut continuer en fait, la jammeuse des Sigul, parce que c'est que le tour initial de la jammeuse de Tarb. Alors t'as vu, elle se gêne. Hein. Ouais. Et elle colle. Parce que ça va revenir dans le tas. Et on donne pas de points à l'autre. On assure 8 points, c'est très bien. Et elle recolle un tout petit peu. Bon, 8 points, ça sera pas suffisant. Hein. Non. Il en faut beaucoup plus là. Donc on est à 176 pour les Full Metal Punkette, 123 pour les Siguls. Et ça nous fait combien d'écart ça? Oh, c'est facile! Allez! Dis-le alors si c'est facile! 53. Voilà. Et 53 points d'écart, là, ça peut être rattrapable, comme pas. Donc ça dépend vraiment des jams proposés. Allez, on démarre là, ce nouveau jam avec juste une bloqueuse des Sigules en prison. Donc, toutes les jammeuses sont sur le track. Et ça passe pour la jammeuse de Tarb. Et elle va pas passer. Qui est suivie de près par celle des Sigules. Voilà, c'est ça. Donc là, elle va peut-être tenter un boom track. Ouais, voilà, à peine arrivée dans le pack, elle a collé en chutant. Et en rigolant avec l'autre jammeuse qui a chuté aussi à côté d'elle. Donc voilà, là, c'est des petits moments, comme vous disiez tout à l'heure, plein de bienveillance et tout ça. Mais ça se passe dans la joie et la bonne humeur, donc c'est très très cool. Allez, c'est parti pour un nouveau jam, ça se met en place. Et voilà, il y a quand même dans l'ambiance aussi dans les tribunes, je sais pas, vous l'entendez peut-être pas, mais nous on l'entend. Il y a un peu de monde qui est là, il y a de l'ambiance. Et c'est très très sympathique à entendre et à vivre. Si jamais vous n'êtes jamais venu à un match de roller derby, je vous le conseille parce que d'ailleurs c'est très sympa et il y a une bonne ambiance. Voilà. Alors c'est parti, nouveau jam. Tarb prend le lead et les Sigules là, non, ça bataille ferme, ça ne passe pas, ça chute et ça passe. Voilà, ça passe pour Bobsleigh, la jammeuse de Sigules. Elo de Vie, elle est en train d'essayer de prendre des points, mais voilà, elle colle parce que la jammeuse de Sigules était de retour. Je pense que la jammeuse de Sigules. Ah non, elle n'a pas eu le temps de prendre 2 points. Par contre, la jammeuse de Tarb a réussi à prendre 2 points. 2 ou 3, j'arrive pas bien à voir le pouce de l'arbitre. Il me là. Semble que c'est 2 points qu'il montre. Mais... Ouais, 2, voilà, c'est ça. Donc ça fait 178 pour les Full Metal Punkette, 123 pour les Sigules. On reste toujours à même point d'écart, hein, 55 maintenant. Et c'est parti pour un nouveau jam. On a une bloqueuse des Tarbez en prison. Oh, ça passe à l'aise pour la jammeuse des Sigules. Voilà. Hop. Alors, elle est où la jammeuse? J'arrive plus à la voir. La jammeuse des Tarbez, tu la vois toi? Ah, si, voilà. Oui, là-bas. Bataille en fin de défense. Elle va passer. Et elle passe. Voilà. Elle va pas passer. Elle finit toujours pas passer. Et la jammeuse des Sigules prend les 4 points. Elle est pas en prison. Ouais, elle s'est fait sortir. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas vu pourquoi. Donc du coup, c'est pas. Là, il y a plus de lead. Voilà, plus de lead et c'est power jam pour Eva pas passer pour les Full Metal Punkette. Oh, ça chute, hein, ça tombe souvent. Il reste 2 minutes 46 de jeu dans cette deuxième période et 1 minute 14 dans ce jam. Comme il y a plus de lead, et ben on va aller jusqu'au bout de ce jam, hein, évidemment. Donc 4 points de prix pour les Full Metal Punkette. Voilà. Donc on a un power jam. On voit la jammeuse des Sigules qui se relève. Donc je pense qu'elle va pas tarder à revenir dans le jeu. Ouais, sa bataille. Et ouf, elle revient. Elle vient de se prendre un énorme tampon. Ouais. La jammeuse de Tarb. La jammeuse, ouais. Mais elle est passée. Mais alors la jammeuse de comment ça s'appelle des Sigules, c'est de retour. Voilà. Et elle passe, elle prend 4 points. Voilà. Ouh, sacrée chute, mais elle est passée, c'est le principal. Alors, je comprends pas pourquoi elle lui donne pas de points l'arbitre. Parce qu'elle avait déjà fait son passage initial, étant donné qu'elle avait pris le lead. Sa bataille fière. Ouais, voilà, ça passe pour la jammeuse des Sigules. Et je vois plus la jammeuse de. Ouais, elle est gênée en fait. La jammeuse de Tarb là. Elle est coincée et voilà, Alors là, ça bataille, ça défend bien. Ouf, ce bouchon de la d'une bloqueuse des Sigus ou une bloqueuse des Full Metal Punkette. Et on finit ce jam avec 12 points pris par les Seagulls et 11 par les Full Metal Punkette. Ouais, du coup, c'est un pareil, c'est un jam. Encore, il y avait Power Jam, mais ils n'ont pas su en profiter. Pardon, Pépette, je t'ai mis un coup de pied. Et ah non, alors ils ont revu encore le score. 11 à 8. 11 pris par les Full Metal Punkette et 8 pour les Seagulls. D'accord, mais c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que l'arbitre des Seagulls ne leur a pas compté un passage, alors qu'elle a déjà fait son passage initial, la jammeuse, bon, des Seagulls. Allez, c'est parti pour un nouveau jam. La jammeuse des Seagulls vient de nous faire une démonstration de passage en facilité sur bord de touche intérieure. Et hop, et elle tourne. Elle va vite, hein. Elle est déjà en train de rattraper le pack. Ouais. C'est passé aussi pour la jammeuse de Tarb. Et la jammeuse des Seagulls est dans le pack. Ouais, et elle passe, passer. Elle prend les 4 points et elle colle. Voilà, elle assure 4 points, nous fait un boom track. Voilà, propre. Voilà, bien joué pour les Seagulls sur ce jam là. C'était vraiment, vraiment propre. Bon, ça suffira pas, prendre non, que 4 points. Ça suffira pas. Il reste. Il n'y a plus le temps sur le tableau. Je crois qu'il doit rester dans la minute de jeu, quelque chose comme ça. Voilà. Vu l'écart qu'il y a, c'est très très très mal barré. Le match est fini. Ah, il y a un temps mort demandé. Donc bon, je comprends plus rien. Il n'y a plus de chrono sur le tableau. Le coach, apparemment du côté des Seagulls, on demande un temps mort. Les joueuses étaient de retour sur le track, mais elles repartent sur leur banc. Alors là, c'est le suspense, quoi. Qu'est-ce qui reste comme Oula, j'aimerais bien avoir le temps là sur le tableau. Bon, on est d'accord que le match il est quasiment plié en faveur des Full Metal Punkette. Même s'ils reviennent, sur, je sais pas comment on dit, l'espace sur le track. Sur le track. Ouais. Voilà, ça sera quand même plié pour les Full Metal Punkette qui ont trop d'avance. Ouais, il reste trop peu de temps pour essayer de rattraper. Ah, à moins d'un miracle et d'un power jam de l'espace. Oui. Après, tout est possible. Comme on a dit depuis tout à l'heure, dès qu'on parle, voilà. Le contraire se passe. Donc, mais là, il y a plus de 50 points à rattraper. Ouais. Ça va être délicat, là, je pense. Alors, est-ce que ça serait le dernier jam de ce match? Parce qu'il n'y a toujours pas le chrono qui est revenu sur le tableau. Donc, on ne sait pas combien de temps il reste dans ce match. Je sais que le jam d'avant, il restait 2 minutes, enfin un peu plus de 2 minutes de cette mi-temps. Mais là, le chrono a disparu. On est peut-être arrivé à la fin du temps, on n'a pas vu. Et ils font quand même le dernier jam pour la forme. Et allez, c'est parti. Et on a, en plus, c'est un power jam pour les Seagulls parce que la jammeuse des Full Metal Punkette est sur le banc. Donc, est-ce qu'on va nous faire l'exploit et nous faire une cinquantaine de points? Voilà, ça serait beau quand même. C'est le moment. Ça serait le record. Je crois que le record, qu'est-ce que tu nous disais, Mathilde? Le record, il est à quoi? Sur un jam, il y a une trentaine de points. C'était un record. Nous, on a vu 26, il me semble. Ou 24, je sais plus. Ou 26, ouais, je crois, il y a un mois et demi. Mais là, quand même. Bon. Là, déjà. Il faut qu'elle fasse son premier passage pour mettre 4 points, pour profiter de ce power jam. Et ce qui n'est pas le cas, parce que ça défend très bien de la part des bloqueuses de Tarb. Ouais. Et elle la bloque très très bien. Ouais, elle en a passé qu'une pour l'instant. Et c'est. Et elle vient de repasser. Et elle vient, ça y est, elle est passée. Ouais. Et la jammeuse de Tarb est de retour sur le jam. Alors tu vois, elle a son bonnet dans la main. Et elle vient de faire le star pass avec la. Tu vois, elle est passée avec le bandeau sur la tête là. La bande sur la tête. Et elle a passé l'étoile, donc c'est le fameux star pass que je t'expliquais en première mi-temps, mais qu'on n'a jamais vu. En fait, il n'y a aucune des deux équipes tout le long de ce match qui n'a tenté un star pass. Elles ont toujours fait un passage de jammeuse classique. Et donc là, le star pass est fait, mais apparemment, la jammeuse officielle est partie en prison. Donc voilà. Et même la pivot qui avait récupéré l'étoile est partie aussi en prison. Donc c'est encore un power jam pour les Seagulls. Power jam deux fois dans la même. Enfin, même jam, et donc elles viennent de passer. Et ouais, elles passent. Donc là, on aura 16-0. Voilà. Bon, là, il faudrait qu'il reste 32 secondes. Faudrait qu'il y ait un gros miracle. Ouais, mais ça va être short là, parce qu'il faudrait qu'elles mettent 20 points de plus à l'aise pour pouvoir recoller au score. Même, ouais, il y a 38 points de différence là pour l'instant. Donc, ouais, faut quand même mettre 38 points. Donc, c'est. Ouais. Alors, la jammeuse des Sigules, c'est de retour. De. Comment ça s'appelle ? Des Full Metal Punket. Et c'est terminé, le match est terminé, ça y est. Donc, il y avait bien plus de chrono. Ils ont déjà fait un dernier jam. Voilà. Et on termine ce match avec. Une victoire pour les Full Metal Punket avec 189 contre 155 pour les Sigus. Alors, comment t'as trouvé ton premier match Très très bien. Ouais, très très bien. Très très bien. Bon, c'était assez calme, on a eu un peu d'animation quand il y avait des Power Jam seulement. Mais c'était quand même sympa. Mais finalement, c'est peut-être un match adéquat pour une première fois pour oui, toi. Oui, c'est ça. Ouais, pas trop, qui partait pas trop dans tous les sens pour te permettre de découvrir, d'arriver à suivre un peu. Exactement. Donc c'était cool. Donc bon écoute, j'ai passé un excellent moment avec toi, c'était très sympa. Et bien moi aussi, hein. Je reviens quand vous voulez. Tant mieux, et bien avec plaisir, tu reviendras. On cherche toujours du monde, donc tu reviens quand tu veux. Et ben, on va rendre l'antenne pour la pause d'entre deux matchs. Et on se retrouve tout à l'heure à midi et quart, je crois. Pour le match suivant, le deuxième match de cette dernière journée de championnat. Et ouais c'est ça, c'est midi et quart, je me trompe là. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Et à toi, je te dis à une prochaine fois. À une prochaine passe fois. Un bon dimanche et puis adio. Et bien de même, adio.